Souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ, que c'est un poids de ton péché, d'un péché, non le poids péché, un seul de poids surpasse tout ce que quelqu'un peut avoir fait sur la terre. Parce que le prix de ça et la conséquence, c'est la mort. Et il n'y a pas une quantitativité de l'argent pour payer la vie. La vie dont est donnée par don venant de Dieu. Et il nous impose que la solution, c'est pardonner. Amen. Amen. Frère, si mon frère me vole ma Bible une fois, il me demande pardon. Toi qui as dit que je vais pas pardonner, c'était toi. Oui. Il vole la deuxième fois. Oui. Il me demande pardon, je ne pardonne. Même si c'est comme ça que tu as dit, il faut que tu pardonnes. Si maintenant la prochaine fois, je me méfie dans les prendre ma Bible, je garde mes choses, est-ce que c'est la bonne attitude? Tu es prudent, non? Quand tu dors chez toi, tu ne fermes pas la porte. Tu fermes la porte, non? Quelqu'un d'ailleurs venu chez vous voler. Pourquoi tu fermes alors? Bonne soirée.